Témoignage de Monsieur Bastin Florent, né en 1898 à Vaux, résident Vaux, successivement coiffeur, cordonnier et cafetier. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par Messieurs Dechêne et Mikils. Cafetier après la coiffure. Eh non. Oui, sous la chaleur à Vaux. Non, à Vaux, non. À Vaux, non. On m'a calé à Vaux, non, comment dire. C'est sûr, en vie coiffure. En vie coiffure, oui. Et il y a eu des apprentis. S'il vous plaît. Il y a eu des apprentis. Il n'a vu que lui. Mais la main est prise que lui, pour bider le réveil. C'est ton gros camarade à vous deux. Ah ouais. C'est-tu à quel âge, Soula? À 13 ans. S'il vous plaît. C'est-tu à quel âge, Soula? À 14 ans ou plus? Oh, à 14 ans, parce que. Donc, mais c'est misté à 16 ans. Et c'est-tu à vous? Et c'est-tu ça? Ça l'a laissé. Tout seul. Tout seul. Oui. Et puis, juste à quoi pire, non plus. Oui. À quoi pire? Au cordonnier, hein? Ah, ouais. À eux. À mon sapeur. Ça, vous disiez, vous casez ça. C'est vie à eux, non? Et puis, vous avez eu, j'ai mis tout. À jouer l'accordéon. Ça, c'était jouer ton costume, non plus. On a passé, c'était d'annette. Non, dit-on. Rien pas ça. C'est du café, Charles. On doit en suivre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Les notes que tu as passées, monsieur, pour le compter, dis sommes-nous, alors que tu as mis une scène avec mes dix sommes-nous. C'est vrai. Vous avez bien viqué. S'il te plaît. Vous avez bien viqué. Au nom de Dieu, oui, parce que. Ce n'est pas ça, je te dois voir le caractère du homme. C'est vrai, c'est tout. Dans la légère, dit même à l'autre qu'il y a, je ne sonne comme un vieux homme grigneux, on sent bien comme une légère, enfin, non? Ouais. Et qu'il fallait stiffer comme coiffure? S'il te plaît. Qu'il fallait stiffer comme coiffure? Coiffure. Qu'il fallait stiffer? Ah ouais. Il y avait toutes sortes de. On meurtait là, c'est une autre même affaire, c'est tout. Non, non, non. C'est toute la même coupe. Hein. Qui met à ligne, à une ligne? Une ligne, à brosse. À brosse? Ben, on le sent bien. Ça, c'est une même casture. Il y avait des parfums? Si, ah, oh, si, ah, non. Si, ah, non. Si, ah, on faisait des frictions, on sent faim. Et c'est pour les femmes à vous? Non, non. C'est le malaise. Non, les femmes. Il y en a déjà fait avec des femmes, mais quand on coupait les deux à Kmenou, là, quand on tire. Pour faire comme les hommes, yo. Ça va vous rappeler. C'est court. Court, tout court. Ça peut dire. Et c'est ce qu'il fallait faire avec le verre. À ce temps-là. Oui, aïe, aïe. À ce temps-là, parce que. Ça lui va éviter. Non. 5-6 francs, 7 francs, je ne sais pas, enfin, Dieu. La plus qui soit là. Oui, à une année. Et on travaillait le lundi à vous, le lundi à samedi. Tous les jours. Tous les jours, le dimanche. J'avais de l'ouvrir, j'avais, je n'avais pas ça, pas de l'ouvrir. Bon, dit Dieu. Parce que j'avais tous les alentours. N'avait qu'à avec moi. J'avais des coiffures à ce moment-là. C'est comme des coiffures. Il y en a qu'une fille peine un peu, non? On avait peur. T'avais ouvert tout seul pour faire le coupi. S'il te plaît. Restez tout seul à vous pour faire le coupi. Ah oui. Et combien vivent-on cela? On a vu Jésus Tei. Oui, c'est une rame. Oui. Rame des Osteis, non, dis-donc. Depuis cette. De traité. Non. vois, des alines. Pas que cela, non? Ça va bien. Mm-hmm. Ah, bah, on des affaires, on fait un okay. Vous en avez couché avant? Oui. Ah ouais? Oui. Oui. Oh, ben, j'y travaille, quoi. Ah ouais? C'est plus qui rassure qui reste là. On dit toujours dans une différence. Différence. Dis-donc. Et là, il y a vu les souliers de femme à vous. Il fait les souliers de femme à oui, vous. Ah ouais. Oui. Oui, oui. C'est ce que t'as dit de cuir? T'as dit de cuir, la stèle. Oui, parce qu'à cette heure, c'est plus rien. Les souliers n'ont plus de 20 ans, monsieur. Oui. Et c'est tout collé. Pas quand il peut déclarer. Mm. C'est vraiment tout collé. Et je s'assure qu'elle a décidé qu'on ferait vraiment mis de taper le poubelle là. Ah ouais, Charles qui. On met la pétale d'ici, mais non, mais bon Dieu. Que les gens demandaient que mes dieux de bouche. C'est parce que déjà ça est quoi, enfin. Non? Et à des heures de ça, qui dit travailler de mes deux mystiques, j'allais couper en fruitage. Mm-hmm. J'ai travaillé contre ce coup jusqu'à 2h, 1h du matin pour ne pas aller couper en fruitage. Mais c'est pas les venir pour elle. C'était pour gagner des sens. Ah oui, ça. Il n'a pas c'était l'homme pour les taper, c'est ça. Ça. 1898, à vous. Successivement coiffeur, cordonnier et cafetier. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par messieurs Dechêne et Mikils. Les bras à main des balles, vous, votre accordéon. Oui, nous, des gens. L'an passé, c'était de notre ou ça. Qu'est-ce qu'il veut jouer? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il veut jouer? L'accordéon. Oui, et quoi comme bokeh? Oh, ben, moi, ça va bien, de cette heure-là. Je n'en ai pas vibré, mais. Mais je n'en ai pas compte. Je n'en ai pas compte. Comme Jack Messi. Ah ouais. Je rends pareil, André G. Et juste une chose, pour que Messi, on dit à tout dit, 4 rue Régi. Et puis juste une chromatique. 80 basses et 5 rédits. Et une sur. Que ben. J'aurais mis 20 ans qu'il n'avait pas joué. Et vous savez que jouer à sur? Et j'ai joué sur mon tête, comme ça, en rédit. Vous pouvez jouer à sur? Je peux. Vous pouvez jouer? Oh, faut pas qu'on aille. Ouais. Pour les aller ah oui, oui, oh, oui, oui, non. Elle a ouvert des chambres. J'en ai béni, les gens. La belle fille me l'a dit quand elle a dit qu'elle allait me dire. On m'a dit, fais-tu un petit bouquet, elle est là. Oui, ça le demande. Maintenant, pour quelqu'un qui nous réveille. Non, mais. Oh, qui veut jouer bien, vous chantez à vous. S'il te plaît. Vous chantez à vous, Ispou. Elle chante à vous. Ah ouais. Non, ça le chante, Nani. Il y en a moins, c'est ton chanteur. Ouais. Thank you. Oui. C'est quoi? Que me dit-on ça? Parce qu'il dit Rouvi, il va se faire bras, même. Un nom de Dieu. Athénas, c'est bon. Est-ce que vous savez jouer les petits bords? Comment? Les petits bords, vous savez jouer cela? L'accordéon. Je l'ai déjà dit oui, si tu mets. Elle a imploré. Ce n'en est rien pour moi. N'en est de tout ça. Oui. Vous avez appris tout seul. Tout seul. Et pourquoi sur l'accordéon? Pourquoi n'est-ce autre chose? Ah oui, je ne veux que ça. Je ne veux que l'accordéon. C'est surtout cela qu'on jouait devant les cabarets. Ah ben oui, devant le temps. On jouait tout seul. Si on est comme master, ils l'ont déjà banné tout ce qui va aller à Wiesel. Ouais. Mais tout seul, oui, mais. Et on jouait quoi? Des polkas de. Scottis, Mazur. Ah oui? Vous savez jouer en Scottis? En bouquet de Scottis, vous savez jouer? Oh. Sous la Akache? J'ai joué à Akache, mais autre mais j'étais le journée au mai. Ça me dit j'ai joué à Krushmi. C'est quoi cela? De Kachi. Dans le danse. Ouais. T'as coup qu'on dansait une danse, j'avais une Krush. Comme des baltins là. C'est ce que baisse ou là? Ah, mais c'est ce que baisse. 5 centimes. 5 centimes, voilà. Et puis j'ai joué à 25 centimes à nous. Et chaque fois, on passait devant les vallées, et c'est ce qu'on... Les mecs, ça, on nous levait, que Bétou, les quatre boumés. C'est lui qui levait les quatre boumés. C'est ce que vous, à vous, vous passez pour les... Pour non, les mais j'ai joué, mais... Ah ouais. Il avait une fin de studier à attaquer, mais... Il fallait rouler, nous, pour visionner un crujot. Et en 25 centimes. Il y avait une entrée, mais on payait sous le mal caché. Oui. Et c'est sous le mal les valets. Les bons sols n'y payaient. Ah oui, c'est les gardiens qui payaient. Les gardiens, oui. Et est-ce qu'on manive devant les balles? On manive devant les balles? C'est ah, mais vous destinez aux enfants, hein. On manive en bouquet d'oreilles, ou. Ce que vous avez, hein. Il y avait des vestiaires pour les vêtements. Oui. Ah ouais? Oui. Oui, oui. Il y en a qui fait un bal pour beurre à vous. Non, t'es déjà ça, à ce temps-là. Ça veut arriver au châle, monsieur. Quand on sait. C'est que nous venons au châle, nous venons à voir. Plein de costumes dans toutes les places. Pour les fiesses, ou là? Pour les fiesses, ah oui. Même quand on s'y fait. Quand on s'y fait, c'est tout est plein. Tout est plein. Ah, mais il y avait deux sourds, si elle a voulu. Ah non? Voilà, avant la semaine, quand il y a des jeunes, par exemple. Aïe, aïe, tous les jeunes sont venus. Parce qu'ils jouent l'accordéon, non? Mais une neuraline a peut-être comme mes pugnes à lui chasser, t'as vu? Il se distancie pas trop aussi, non? Mm. Aïe, aïe, aïe, aïe. À ce temps-là, monsieur. Eh bien, celle, elle pourrait venir à vous. S'il vous plaît. Eh bien, celle, elle pourrait venir à vous, elle s'amène. Ah oui, une vue de ce qui est venu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et il y a des cagnottes, Charles. Des cagnottes. Non, ni fuerza. Non. Et pour les fiestes, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce une grande fieste? C'est une pierreuse qu'on nous mive, n'est-ce pas? Charles, oui. Ah. C'est une pierreuse. Et pourquoi? Pourquoi la pierreuse? Oh, c'est ton nom qu'on dit à mettre. Et qu'est-ce qu'on faisait? Seulement danser ou bien. Oui. Des cramignons à vous? Rien non aussi. Mm. Non. Jusqu'à matin? Lorsque on a eu que le destin de notre vie, c'est un jour que tu m'as dit, et elle a eu le capé, sans démon, et c'est. Mais on dansait de deux côtés. Le destin que notre vie, c'est un jour. Et on faisait un bal à mon rond, c'est vous, des coquins là. Là, au belle salle. C'est ça. Est-ce qu'il y avait le carnaval? Non, Charles Nenny. Non. C'était seulement pour les fiestes? Oui. Et vous avez joué à vous pour les baptêmes? Oui, pas tout. Pas tout. Oh. Et mariage à vous? Ah oh, oui, non. Pour les pensionnés. Que j'ai fait jouer. Ça me met tout camarade, ah ben, non? Mm. Et on verra des billes, ça consiste combien? On dit, je vais rester là. Que billes tu es, non? Est-ce que tu avais mon front, je ne sais pas. Et n'avez-vous des bières, Charles, ou bien n'avez-vous des lait ou des sodas? N'avez-vous tout, oui. Des coca? Tout. Ouais. N'avez-vous tout. Des blancs.